quand tu es à côté de moi, il y a le chant d'oiseaux que je ne connais pas, des chants très beaux quand tu es à côté de moi. Quand tu es à côté de moi, Rosanna, il y a des sourires qui traversent mon corps. Ils restent là sans partir, comme tu es là encore. Quand tu es à côté de moi, il y a ta beauté subtile folle qui attrape mes regards, mes désirs éthanols qui autour de moi volent. Quand tu es à côté de moi, Rosanna, je sais que c'est la dernière fois que mon âme stationnera dans cette maison pour toujours, au cœur de ton amour. Tu es à côté de moi, il y a le chant d'oiseaux que je ne connais pas, des chants très beaux restent toujours à côté de moi, restent toujours à côté de moi.